On va parler de tennis. Tout le Canada est vraiment, vraiment vibre au rythme de Bianca Andreescu depuis samedi. Bianca Andreescu qui est devenue la première Canadienne, tant chez les hommes que chez les femmes, à remporter un tournoi majeur. On en parle avec... parce qu'elle est venue à Ville-Saguenay il y a moins d'un an, il y a 10 mois. Et elle était à l'époque 232e. Elle était 7e favorite du tournoi. Et une qui l'a hébergée pendant 3 ans, ben, c'est la famille de M. Patrice Arsenault de Ville-Saguenay. Question de savoir un peu comment ils ont réagi, comment ils suivent la carrière de Bianca. On lui parle. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour, Monsieur Veilleux. M. Arsenault, d'abord, comment vous avez vécu ça, cette victoire de Bianca au US Open? On la suit dans tous ses tournois depuis qu'on la voit à la télé. Évidemment, là, ça fait 3 ans qu'elle vient chez nous. Alors, elle vient pendant plusieurs jours, là, parce que, étant donné que c'est une bonne joueuse, ça dure pas juste une journée ou deux, on est éliminé. Elle toffe jusqu'en finale, souvent. Elle a gagné même le tournoi en double. Alors, elle passe de 7 à 10 jours avec nous. Alors, on a 3 ans de temps, là. Ça fait près d'un mois de temps avec elle. Alors, on a eu le temps de la connaître beaucoup. Et puis, évidemment, depuis qu'elle joue sur le circuit de la WTA, on la suit, à tous ses matchs. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on l'a vu remporter son match en finale samedi dernier. OK. Dites-moi, ça semble vraiment... Moi, ce qui me marque de Bianca, c'est son caractère, c'est sa force de détermination. Elle ne se laisse jamais abattre. Et ça, oui, c'est une joueuse de tennis qui a beaucoup de talent, mais elle possède beaucoup de caractère. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reconnu, vous, là. Oui, elle a beaucoup de caractère. On l'a reconnu même dès sa première année. Elle avait 16 ans à sa première apparition ici au Club Saguenay lors du Challenger. Puis, elle a fait déjà des belles performances dès sa première année. Elle était d'ailleurs à l'affiche pour la deuxième année, la tête d'affiche du programme. Ouais. Et puis, on l'avait déjà détectée. Mais elle est tellement bien encadrée par Tennis Canada parce que ils l'ont dans leur mire depuis très longtemps, Bianca. Comme d'autres athlètes que vous allez me dire, on les détecte tôt. Mais il y en a qui ont toujours le petit plus, hein, qui font en sorte qu'ils se démarquent. Et Bianca est de cette catégorie-là. OK. Sylvain Bruneau fait un travail colossal avec aussi. Là. Tu sais, je disais à Caroline ce matin, c'est beau avoir Bianca avec raison, mais un entraîneur doit être capable d'aller chercher le meilleur de son athlète, et je pense que Sylvain Bruneau le fait bien. Ah, il a beaucoup de mérite, mais il n'est même pas seul. Hein. Ils sont rendus une équipe de plusieurs qui l'entourent. Mais nous, elle était avec Sylvain essentiellement lorsqu'elle venait. Et puis, on a passé des bons moments, mais nous, on a d'abord connu la personne. Au-delà, mais on a vu tous ces matchs pendant 3 ans. On allait toujours la voir en simple et en double. Mais on a d'abord connu une jeune fille très déterminée. Et on l'a perçue assez rapidement. Ma conjointe, davantage que moi encore, là, cette croyance en elle qu'elle pouvait atteindre les plus hautes sphères au tennis. On l'a perçue dès sa première année. Alors, pour elle, c'était pas inatteignable. Elle le sentait qu'elle avait sa chance de devenir professionnelle. Oui, effectivement. Peut-être pas aussi vite que ça. Elle me l'a mentionné qu'elle visualisait beaucoup, hein, ce qu'on a vu samedi. Là. Ça fait au moins plusieurs années qu'elle visualise ça. Je suis pas surpris là, ce qui arrive. Là. Dites-moi quel genre de personne que c'est. Ça semble une personne très, très, très gentille et qui se prend pas au sérieux. Oui, je pense que oui, vous êtes bien parti dans la façon de la décrire. C'est une personne qui est assez facile à vivre. Hein. Ouais. Pour accepter d'aller vivre en famille d'accueil, il faut être une personne qui est facile à rentrer en interaction avec les gets, qui aime manger toutes sortes de mets variés. Là. Dès la première année, là, c'était très facile avec Bianca. Là. On remplit le frigidaire, on lui offre une chambre avec un bon lit. Puis lorsqu'elle revient de ses entraînements ou de ses matchs, on passe une heure ensemble, on discute, on écoute la télé. Puis elle va se coucher tôt, là. Elle a un régime assez spartiate, là. Puis c'est un peu normal, là. Elle se lève tôt, elle s'entraîne, elle mange beaucoup, elle mange bien. Mais c'est comme ça qu'on l'a perçu également, là. Elle aime les animaux. On a 2 animaux. Deux chiens, ça n'a pas été un problème. Hein? Ouais, vous avez vu ça? C'est vrai dans le quotidien. Ouais. On les a encore, d'ailleurs, c'est les mêmes. Alors, j'espère. C'est très agréable. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez eu la chance de lui parler depuis samedi? Écoutez, on n'a jamais perdu contact avec Bianca. Moi, je l'ai félicité personnellement après sa victoire à Indian Wells au printemps dernier. Mais depuis le début du US Open, on a rentré en contact avec elle à sa victoire à Toronto l'été dernier. Mais parmi les anecdotes avec le tournoi qu'elle vient de terminer, le US Open, en quart de finale, ma conjointe lui avait texté qu'on aimait beaucoup la voir à la télé, puis qu'on l'encourageait, puis que ça allait bien dans son tournoi, dans l'après-midi de son quart de finale. Et 7 minutes avant d'embarquer sur le central, elle nous répondait « Thank you, Martin », avec des cœurs. Ouais. Alors, c'est incroyable. Là. Moi, je croyais qu'une athlète de cette envergure-là était concentrée dans le vestiaire, puis que le téléphone était à off. Non, non. Bianca, là, c'est une vraie adolescente. Là. Ben, c'est les millénials, hein? Ben, elle a 19 ans. C'est une vraie millénial, fait que, quelque part. Ouais, millénial. Ouais. Effectivement. Précisément. Dites-moi, est-ce qu'elle vient en vacances? Parce que là, on ne la reverra plus à Jonquière, là, c'est évident. Là. Est-ce que vous pensez que vous allez l'inviter en vacances, quelque chose de même? Ou Nous le souhaitons. J'ai suggéré à ma conjointe, justement, en fin de semaine, on devrait l'inviter qu'elle vienne passer. Une semaine incognito, là, mais... Pour moi, elle ne passerait plus incognito. Non, c'est sûr. Toujours est-il que je ne crois pas que son horaire lui permette. Non. C'est le tennis, c'est 50 semaines sur 52. Ah, c'est sûr. C'est trop d'ailleurs. C'est sûr. C'était trop. Là. C'est sûr. D'ailleurs, ils ont toujours des gestions de blessures à faire là, parce que on sollicite beaucoup trop les athlètes. Moi, l'inquiétude que j'ai avec Bianca, c'est pas que ça fasse comme Eugénie, c'est pas du tout le même caractère. Là. Ça semble pas du tout le même caractère. Non. Pas du tout. Par contre, c'est des blessures. Est-ce que vous craignez ça un peu? J'ai peur que ça fasse une blessure chronique d'elle-même parce qu'elle est fragile. Là. Oui, elle est fragile, oui. Puis c'est vraiment, d'après moi, là, je suis pas dans le secret des dieux à Tennis Canada, loin de là, mais c'est leur première préoccupation, garder son corps en santé, garder la motivation. Tout est une question de dosage. Hein. Ouais. Mais Tennis Canada ont appris avec Eugénie Bouchard, avec même les joueurs précédents, là, ils ont appris beaucoup. Là. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une nouvelle cohorte qui arrive et qui est en explosion présentement, là. À cause des apprentissages des athlètes précédents. Oui, effectivement. Ben, un gros merci. C'était fort intéressant. Au plaisir de se reparler, monsieur. Hey, vous avez donné plusieurs entrevues, j'imagine, depuis le début de... Oui. Comment ça fait plusieurs entrevues? Ma conjointe encore plus que moi. Là. Moi, je suis pas tellement amateur de médias. Là, c'est... Ouais. Mais bon, oui, on en a donné. On doit être rendu à 7 ou 8. Là. 7 ou 8, ben, c'est bon. Ben, monsieur Arsenault, un gros merci. Au plaisir de se reparler. Ben, ça m'a fait plaisir, monsieur. Passez une belle fin de journée. Patrice Arsenault, qui a hébergé Bianca Andreescu au cours des 3 dernières années, qui réagissait à sa victoire au US Open.